va expliquer l'adoration pour parler d'un sujet, le tawassul, c'est-à-dire chercher les bénédictions par les prophètes et les saints, pour montrer que ceci est quelque chose de permis et que ce n'est pas quelque chose qui est contraire à la croyance musulmane. On appelle, on dit tawassul et tabarruk. Donc, bien sûr, la croyance musulmane, qui est la croyance des prophètes, tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad, c'est que le seul créateur du profit de la nuisance, c'est Dieu. Le créateur des corps, les pierres, les plantes, les humains, les arbres, palpables, et les corps impalpables comme l'air, l'obscurité, la lumière, les âmes, les anges, les djinns, c'est Dieu, et aussi le créateur des caractéristiques. La froideur, la chaleur. Donc, Sayyidina Ibrahim, ils l'ont jeté dans le feu, mais le feu ne l'a pas brûlé. Parce que le feu ne crée pas. La froideur dans la glace, c'est Dieu qui l'a créé. La chaleur, la brûlure dans le feu, c'est Dieu qui crée cela. Dieu est le créateur du produit de la nuisance. Quand on a faim et on mange et on a la satiété, c'est Dieu qui crée cette sensation. Quand on a soif et on boit, et qu'on sent qu'on est abreuvé, c'est Dieu qui crée cette sensation. Par exemple, les anges, ils n'ont pas faim ni soif, ils ne se fatiguent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, les anges. Parce que Dieu n'a pas créé ces caractéristiques dans les anges. Ils ne se reproduisent pas, les anges. Ils ne sont ni mâles ni femelles, d'ailleurs. Donc, cette sensation de faim, de fatigue, d'envie, tout ça, c'est Dieu qui crée cela. Donc, le fait que le musulman utilise les causes en croyant que c'est Dieu qui crée, ça ne contredit pas la croyance. Comme on tombe malade, on se soigne. On va voir le médecin, on a faim, on mange, on a froid, on met quelque chose, etc. Utiliser les causes en croyant que seul Dieu crée, ça ne contredit pas la croyance. C'est quoi la mécréance? La mécréance, c'est qu'on appelle shirk quand quelqu'un y croit qu'autre que Dieu crée le profit. S'il croit que autre que Dieu, même un prophète, crée le profit, là, c'est la mécréance. Ça annule l'islam de la personne. Donc ça, c'est parmi les choses qui annulent l'islam de la personne. Croire qu'autre que Dieu crée dans le sens faire passer d'union l'existence. Il croit que le médicament donne la guérison sans indépendamment de la volonté de Dieu, des choses comme ça. Où il croit que telle chose profite sans la permission de Dieu. C'est ça, donc, la mécréance. Donc, l'adoration, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'adoration. Quand on dit nous adorons Allah et nul ne mérite d'être adoré sinon Dieu, les savants de l'islam ont expliqué. Les grands linguistes musulmans, ils ont dit al-ibadatu at-ta'atu ma'a al-khudu'i. Donc, c'est s'humilier, l'obéissance avec la soumission. L'obéissance avec soumission, s'humilier à l'extrême. Et c'est valable que pour Dieu. On n'adore que Dieu. Iyyaka na'budu, on dit dans la Fatiha, c'est toi que nous adorons. Donc on s'humilie à l'extrême. Donc ça, c'est la signification de l'adoration qu'on voue que pour Dieu. Donc l'adoration n'est pas le simple fait d'obéir à quelqu'un. Si quelqu'un il obéit à un gouverneur, dans les péchés, va faire telle chose comme péché. Le simple fait d'obéir à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on adore ce quelqu'un. Ou le simple fait d'avoir peur de quelqu'un. Quelqu'un, il a peur du gouverneur injuste qui va lui nuire, qui va le tuer. Ou il supplie quelqu'un de l'aider, ou des choses comme ça. La simple supplication, ou la crainte de quelqu'un, ou la simple, le fait de s'humilier à quelqu'un, c'est pas une adoration. Ça ne veut pas dire qu'on l'a adoré, qu'on est devenu mécréant. Donc, c'est quand est-ce que la mécréance, c'est quelqu'un qui s'humilie à l'extrême pour autre que Dieu. Là, c'est, il a adoré autre que Dieu. Par exemple, les gens à l'époque du prophète, avant, quand il y avait les mécréants, à l'époque du prophète, qui adoraient les statues. Ceux qui adoraient les statues, donc avant, bien sûr, il y avait des musulmans. Avant le prophète Mohammed, il y avait les musulmans qui, à l'époque de Ismaïl, etc. Et avant, les Arabes, avant, étaient des musulmans. Après, il y en a, ils ont adoré les statues et tout ça. Donc, eux, ils adorent les statues. Et c'est expliqué dans le Coran que si tu les interroges, c'est-à-dire, si ils interrogent qui a créé cela, ils disent c'est Dieu. Ils savent que les statues ne font rien. Mais quand même, ils sont mécréants parce qu'ils s'humilient à l'extrême aux statues. Donc, ils s'humilient à l'extrême aux statues, donc ils sont mécréants quand même. Même s'ils savent que la statue ne crée rien du tout. Donc, l'adoration s'humilie à l'extrême pour autre que Dieu. Il y a plusieurs, en fait, points. Le fait de vouer l'adoration à autre que Dieu ou d'attribuer la divinité à autre que Dieu comporte plusieurs points, parmi lesquels c'est s'humilier à l'extrême pour autre que Dieu ou croire que autre que Dieu pardonne les péchés. Comme les mécréants, ils vont voir quelqu'un, lui dit j'ai fait ça, ça comme péché, après il dit je te pardonne. Pardonner les péchés, c'est valable que pour Dieu. Et c'est ça que Dieu a déclaré mécréants, ces mécréants-là, qui disent que Jésus, que c'est Dieu. Allah dit, « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. » C'est-à-dire, ils ont pris leur prêtre, leur guide religieux comme donc divinité. Et Isa aussi, comme divinité. Leur mécréance, en fait, là, c'est qu'il leur attribue à ces humains-là des choses qui ne sont valables que pour Dieu, comme le fait de leur attribuer, de pardonner les péchés. Donc ils vont voir, ils disent, pardonne-moi les péchés. Là, c'est de la mécréance. Et Allah dit dans le Coran clairement, « Mayyar filud dunu ba illallah » C'est-à-dire, il n'y a pas autre que Dieu qui pardonne les péchés. Pour celui qui a désobéi, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ce n'est pas un humain. Et donc, et cela, leur déclaration de mécréance. Ou aussi, parmi les choses où il y a attribution de la divinité à autre que Dieu, le fait de croire qu'autre que Dieu sait tout. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Toutes choses. Même le prophète, il ne sait pas tout. Que ce que Dieu lui a révélé. Ou de s'humilier à l'extrême, comme on l'a vu, ceux qui adoraient les statues. Ils savent qu'ils ne créent rien, mais ils s'humilient à l'extrême pour eux. Ou de croire qu'autre que Dieu peut faire passer les choses d'une en l'existence. Comme le prophète il a cité, il a dit « Inna ruqa wa tiralata wa tama ima shirku » Il a cité ce qui faisait les gens à l'époque. Comme on a dit, avant il y avait des musulmans, après c'est disparu petit à petit l'islam, et le prophète il a renouvelé l'appel à l'islam. Mais avant il y avait des musulmans. Donc il y avait les gens qui faisaient des choses, on dit le jahiliya. Jahiliya, il y a à l'époque Sayyidina Nuh, avant Nuh, parce qu'au début il y avait Adam, Shif, Idris. Tous les humains étaient musulmans pendant 2000 ans. Après des gens, on dit le jahiliya, ou la première. Mais la période d'ignorance généralisée, de mécréance, c'était juste avant nous, après Idriss. Les gens commençaient beaucoup à devenir mécréants, jusqu'à ce que Dieu a envoyé Sayyidina Nuh appeler à l'islam, de nouveau. Après, il y a l'autre période de mécréance généralisée, avant le prophète Mohammed. Après que Isa, Jésus, il a été élevé au ciel, les musulmans disparaissaient. Après, il y avait beaucoup de mécréants, jusqu'à ce que le prophète il est venu, il a appelé à l'islam. Et donc ceux qui les mécréants là, ils avaient des habitudes, ils écrivaient des choses, il les accrochait, il croyait que ça, ça protège son Dieu. Donc celui qui accroche ces écrits-là qu'ils avaient, qui croit que ça protège son Dieu, sans la volonté de Dieu, là c'est de la mécréance aussi. Parce que rien ne profite sans la volonté de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut être utile sans la volonté de Dieu, c'est impossible. Même quelqu'un, tu dis, aide-moi, il peut être utile que par la volonté de Dieu. Parce que ses mouvements sont créés par Dieu. Son acceptation, son refus, c'est créé par Dieu. C'est Dieu qui crée le sentiment d'acceptation, de refus. Il peut dire non. Ou il te dit oui, après il meurt, ou je ne sais pas. Donc, car tout est créé par Dieu. Donc c'est ça que le prophète il a déclaré mécréant, et c'est ça la mécréance. Tout ça c'est pour comprendre, faire la différence entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc utiliser la cause et croire qu'elle est utile sans la volonté de Dieu, là c'est de la mécréance. Mais utiliser la cause comme l'eau ou le médicament ou un médecin habile ou des choses comme ça, ou le feu pour cuisiner ou pour chauffer, utiliser ces causes-là en croyant que c'est juste des causes et que c'est lui qui crée en fait le profit, la nuisance ou la chaleur ou la froideur, etc. Donc ça ne contredit pas la religion musulmane. Ce n'est pas de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Parce que des gens, ils vont déclarer mécréants les musulmans sans rien. Donc parmi les habitudes des musulmans, donc autre que les causes qu'on connaît là, ils avaient d'autres causes qu'on appelle les causes pour les bénédictions. Comme par exemple là, quand il va à la Mecque, il touche la Kaaba ou la pierre noire pour la baraka, pour les bénédictions. Donc ça ne contredit pas l'islam. Parce que comme on a vu, quelqu'un, l'eau ne profite que par la volonté d'Allah, et ça aussi, c'est une créature. Donc le médicament, c'est une créature, et la Kaaba, c'est une créature. Donc, il y a le profit par la volonté d'Allah. La bénédiction, le baraka. Et on a vu d'ailleurs, dans le Coran, dans Sourate Yusuf, le prophète Yusuf, il a pris son habit, il a dit, mettez-le sur les yeux de mon père, il va retrouver la vue. « Idhabu bi qamisi hadha fa'alqou ala wajhi abiyati basira » Il va retrouver la vue. Donc, il a retrouvé la vue. Donc, c'est un prophète, il a utilisé la cause. Son habit, ils l'ont emmené sur les yeux de son père parce qu'à un certain moment, il a perdu la vue. Lui, il était voyant. Après, il était triste, il avait perdu son fils Youssef. Après, il a perdu la vue. Il a utilisé la cause en sachant que Dieu n'a pas besoin de l'habit pour donner la vue. C'est juste une cause. Et donc les musulmans, ils utilisent ces causes-là. Comme le prophète, quand il a fait le pèlerinage, il a partagé ses cheveux. C'est dans Sahih Bukhari ou Muslim. Il a partagé ses cheveux. C'est pas pour rien qu'il a partagé, pour que les gens utilisent pour les bénédictions. Jusqu'à maintenant, il y a les cheveux du prophète qui se transmettent de génération en génération. Et donc, et les musulmans donc, vont visiter le prophète, ils demandent à Dieu par le degré du prophète. Par le degré du prophète que Dieu leur donne. Donc tout ça, c'est des causes. Donc on peut demander à Dieu par le degré des créatures. Donc on peut utiliser un intermédiaire dans le sens de la cause, pas dans le sens de l'aide, parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Donc ça c'est des intermédiaires, parce que certains ils te disent non, tu ne veux pas rien entre toi et Dieu. Donc on peut utiliser des causes. Parce que par exemple on a faim. Donc on ne reste pas à dire Dieu donne-moi, accorde-moi que j'ai plus faim. On utilise une cause, un intermédiaire. Ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de cet intermédiaire, c'est juste une cause, c'est tout. Donc l'intermédiaire dans le sens de la cause est permis. Et on le fait tous les jours, on mange, etc. On s'habille, etc., etc. Pour éviter la chaleur ou le froid, etc. C'est des causes. Et c'est Dieu qui crée. Dieu a fait que cette vie est basée sur causes et conséquences. C'est lui qui crée les causes et les conséquences. Chaque instant est créé par Dieu, de toute façon. Il n'y a pas quelque chose qui profite. Donc les créatures ne peuvent pas se passer de Dieu un instant. Donc le fait d'utiliser cet intermédiaire dans le sens de la cause, c'est permis. Donc, le prophète, il a dit, par exemple, guérison dans le miel, dans le hadith. Guérison dans le miel, dans le Coran. Le miel ne crée rien, c'est juste une cause. Et c'est dit dans le Coran, shifa un linnas, comporte une guérison. Donc c'est une cause de guérison. Par la volonté de Allah, toujours. Par la volonté de Allah. Et donc, donc ça, c'est une créature. Le prophète, c'est une créature. Donc si l'eau est une cause de bien, le prophète, c'est une créature, mais il est mieux que l'eau, c'est une cause de bien. Un bon musulman, aussi, c'est une cause de bien. Ça peut être une cause de bien. Et la cause, donc, peut être de bien, peut être une cause de bien pendant un musulman, quand il va demander de l'aide à un musulman, il peut être utile que par la volonté d'Allah. Parce qu'il ne crée rien. De son vivant, et après sa mort, c'est la même chose, il ne crée pas. Donc un bon musulman peut être utile pendant sa vie et après sa mort aussi. Parce que dans les deux cas, il n'y a pas de différence, il ne crée rien du tout. C'est juste une cause. Dans sa vie, il ne crée rien. Ses actes, sa pensée sont créés par Dieu. Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. C'est-à-dire, Allah vous a créé ce que vous faites. Tout est créé par Dieu. Et donc, le musulman vivant peut être utile par la volonté d'Allah, et après sa mort, il peut être utile par la volonté d'Allah. Et c'est l'habitude des musulmans depuis des siècles et des siècles. C'est pour cela, dans le pays musulman, il y a les traces des saints, etc. Souvent, dans le pays musulman, surtout pays arabe, on entend telle région s'appelle Sidi Antel, Sidi Antel. Ça vient de Sayyidi, notre maître Antel. En fait, c'était des saints qui étaient dans ce secteur-là, ils enseignaient aux gens, et les gens, ils ont gardé ces traces-là pour les bénédictions. Et ça s'est rempli dans le pays musulman, et le prophète, il dit que ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. Donc, ils visitent en croyant que juste des causes, c'est tout. Pendant qu'il est vivant, ne peut être une cause, et pendant, après sa mort, il peut être une cause de bien aussi. Et donc, c'est surtout celui qui pratique, sa valeur augmente par la pratique. Parce que la pratique de la religion augmente la valeur. Parce que les gens, ils te disent, oui, c'est un homme, et lui, toi, t'es un homme, c'est un homme, etc. Sans preuve de la religion, ils parlent des choses pour induire les gens en erreur. En réalité, on dit c'est un homme, mais le fait qu'il pratique, il a une valeur supérieure après par la pratique de la religion. Comme si on prend un papier blanc ou une peau, par exemple, quelqu'un il a égorgé un mouton, il a pris la peau, il l'a nettoyé. Il a divisé en deux, une moitié il a fait couverture de Coran, et l'autre moitié il a utilisé pour faire des chaussures. Donc on voit, celle qui est couverture du Coran, elle a une valeur supérieure. Tu ne veux pas le toucher qu'avec le houdou, etc. Il faut le respecter. Et l'autre, c'est la même peau pourtant. L'autre, il fait des chaussures, il marche partout dans la rue ou dans les saletés, il n'y a pas de péché. Alors que là, c'est devenu une peau, l'autre moitié de la peau, il a fait couverture du Coran, ou il a écrit dessus une sourate du Coran, ça devient sacré. Pourquoi ? Par cette valeur ajoutée qui est la religion. Donc, la religion ajoute la valeur à la chose. Et donc, un homme qui, comme toi, il est cher d'os, mais sauf que lui, il pratique mieux, il a une valeur ajoutée. Donc, toi, tu peux utiliser cette cause pour avoir les bénédictions. C'est ce qu'on dit les saints, saint en wali, en arabe, c'est celui qui pratique. Les musulmans qui pratiquent, qui font tous les devoirs, qui font tous les interdits, il fait des choses surrogatoires en plus. Donc sa valeur augmente. Et c'est pour ça que le musulman, il les visite. Même, donc, il est utile pendant sa vie et après sa mort. Parce que dans les deux cas, il ne crée rien du tout. Il est vivant, il ne crée rien du tout. Il est mort, il ne crée rien du tout. C'est juste une cause. Donc il y a, dans les pays musulmans, donc, il y a des saints que les musulmans ils visitent, connus. Donc, par exemple, Abu Madian en Algérie, Qadi Iyad au Maroc, Idriss, l'imam Idriss au Maroc aussi, comme l'imam Sahloun en Tunisie. Ahmed Oubamba au Sénégal ou d'autres, il y en a d'autres. C'est des bons pratiquants de la religion. Il y a les bénédictions qui restent pendant leur vie et après leur mort. Le grand imam Shafi'i, vous connaissez Shafi'i, le grand, l'école Shafi'i, très connu dans le monde musulman, lui il dit qu'il visitait la tombe de Abu Hanifa. Abu Hanifa c'est un grand musulman pratiquant, grand savant, qui a l'école jusqu'à maintenant. Il a dit qu'il visitait tous les jours les tombes de, la tombe de Abu Hanifa, et à chaque fois qu'il avait un besoin, il va à côté de la tombe. Il fait deux rak'a, il va à côté de la tombe, il demande à Dieu par le degré de Abu Hanifa. Pour que, il a dit, ça reste pas longtemps sans que cela me soit exaucé. Il a demandé à Dieu par le degré de Abu Hanifa, il reste pas longtemps sans que ce soit exaucé. Ça, c'est rapporté par un grand savant du hadith qui s'appelle Al-Khatib Al-Baghdadi, dans un livre volumineux, en 23 volumes, dans le premier volume, en fait, il fait ça. Le livre s'appelle Tarikh Baghdad, Histoire de Bagdad. Donc, il explique, il rapporte par chaîne de transmission, et parmi ce qu'il rapporte, ça, que Shafi'i visite la tombe d'Abu Hanifa tous les jours. Pourtant, Shafi'i, c'est un grand pratiquant. Shafi'i, pendant Ramadan, il finissait le Coran 60 fois, deux fois par jour. Les gens, quand ils l'écoutaient, ils pleuraient. Donc, des grands savants de l'islam très connus. Hein. Suivi dans plusieurs pays musulmans. Et donc, il visitait Abu Hanifa, il sait parce, pourquoi ? Parce que c'est permis. Pour le baraka, pour les bénédictions. Il espérait les bénédictions. Comme dans le hadith, le prophète, il nous montre, par exemple, de, quand quelqu'un il vient du pèlerinage, on lui demande le pardon pour nous. Ça, c'est dans le hadith. Pourquoi ? Parce qu'il vient de faire quelque chose de bien. Qui est le pèlerinage ? On espère qu'il soit plus proche pour être exaucé. Dans le hadith, le prophète dit Allahumma ighfir al-hajj wa man istaghfara lahu al-hajj. Oh Allah, pardonne au pèlerin et celui pour qui le pèlerin demande pardon. C'est pour ça que quelqu'un revient du pèlerinage, tu dis je lui passe le salam et tout. Tu dis que Dieu agrée vos œuvres, tu dis demande pardon pour nous. Ça ne veut pas dire que tu l'adores, ça ne veut pas dire que tu le prends pour Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de lui pour te donner, non. C'est juste une cause, c'est tout. Donc ça, c'est les causes. Donc c'est important, parce que Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire vous êtes la communauté du juste milieu. Pas tomber dans l'extrémisme. Juste milieu, c'est-à-dire juste milieu, ça veut dire on utilise la cause, c'est pas interdit. Mais on croit que la cause ne crée rien. C'est ça le juste milieu. Il y a l'extrême de celui qui croit que la cause crée, là c'est de la mécréance. L'autre extrême, celui qui va interdire d'utiliser la cause. Et aussi ça, c'est contraire à la religion. Donc le juste milieu, c'est qu'on utilise la cause en sachant qu'elle crée rien. C'est juste une cause. Et ça, c'est que les musulmans, ils croient ça. De toute façon, celui qui ne croit pas ça, il n'est pas musulman. Parce qu'il y en a qui te disent, ah, il y a des gens, ils vont adorer, ils adorent les tombes, des choses comme ça. Ils jouent avec les mots, alors que les musulmans, ceux qui ont vécu dans les pays musulmans, donc on a vécu dans les pays musulmans, donc on a vu comment les musulmans ils visitent régulièrement les dans chaque ville par exemple à une région où il y a un bon pratiquant ils vont le visiter qu'on dit le saint, le wali et donc la plupart des villes des pays musulmans comme ça donc ils visitent eux ils savent que c'est juste une cause. Et ils ne créent pas. Tout comme les musulmans, ils vont chez le médecin et ça ne veut pas dire qu'ils adorent le médecin. Ça ne veut pas dire qu'ils croient que le médecin crée quoi que ce soit. Non, c'est juste une cause. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. C'est-à-dire, c'est Dieu, si je tombe malade, c'est Dieu qui donne la guérison. Ça ne veut pas dire que c'est haram d'aller utiliser un médicament, ça veut dire que c'est Dieu qui crée la guérison. Mais le prophète, il a recommandé même de se soigner quand on tombe malade. Ça veut dire que c'est juste des causes, en fait. Juste des causes. Comme il a montré la graine de nigel, qui a un remède pour beaucoup de maladies. La graine de nigel, Habba Sauda dans le hadith, ou le miel qu'on a cité. Et d'autres, il a cité le prophète dans le hadith. Tout ça, c'est des causes de guérison. L'olive, l'huile d'olive, etc. Dieu cite même le figue et l'olive. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses utiles. En fait, c'est profitable, il y a du profit. Donc, Et Allah dit dans le Coran, وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, c'est-à-dire, cherchez les causes qui vous rapprochent de l'agrément de Dieu. Faites les causes, et Dieu crée les conséquences. Et il peut vous donner les... Alors qu'il peut vous donner les conséquences sans les causes. Mais pour une sagesse, il a fait qu'on fait les causes généralement pour avoir telle conséquence. Mais c'est lui qui crée les causes et les conséquences. Comme on a vu, Saïdna Ibrahim l'ont jeté dans le feu, mais le feu ne l'a pas brûlé. Donc d'utiliser les causes, c'est permis. Allah, il peut nous donner les récompenses sans qu'on fasse les causes de la prière, etc. Mais, pour nous éprouver, il a fait qu'il y a des causes. J'ai fait la prière pour espérer d'être récompensé, du jeûne, etc., etc. Pour confirmer l'épreuve. Sinon, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Si Dieu voulait, il aurait créé directement tous les gens au paradis. Et Dieu a fait qu'il y a des causes et des conséquences. Généralement, tu fais telle cause pour avoir telle conséquence. Mais c'est Dieu qui crée les causes et les conséquences. Tes idées même, c'est Dieu qui les crée. Comme le prophète lui ont demandé, certains, quand il a expliqué que tout est prédestiné par Dieu, certains lui ont dit, alors qu'on reste, alors pourquoi on fait? On œuvre. Il a dit, œuvrez, chacun va être dirigé vers ce qui lui a été prédestiné. C'est-à-dire, de toute façon, c'est Dieu qui a prédestiné pour toi, ou tu vas être paresseux, tu fais rien, ou tu vas avoir de l'ardeur, car c'est Dieu qui crée ta volonté, ton ardeur ou ta paresse. Donc ça n'a pas de sens de dire, ah comme tout est prédestiné, je reste, je fais rien. Ça n'a pas de sens, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée dans le cœur, est-ce que tu vas être intelligent, tu vas faire preuve, tu vas œuvrer, ou tu vas être donc stupide et paresseux, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas pratiquer. Donc cette parole n'a pas de sens parce que il n'y a pas un grain de poussière qui bouge sans la volonté de Dieu. Il n'y a pas une idée qui t'arrive sans la volonté de Dieu. C'est impossible. Donc c'est lui qui crée les idées de celui qui a de l'ardeur, et l'ardeur, ou le contraire. Et c'est lui en Coran, « Wa nafsim wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. » C'est Dieu qui crée en toi le penchement vers le bien ou vers le mal. Et les actes de bien, les actes de mal. Donc, et les musulmans, la plupart des gens, quand ils vont à la Mecque, avant ou après le pèlerinage, ils vont visiter la tombe du prophète. Visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie du pèlerinage. Mais la plupart des musulmans, ils le font. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit, celui qui visite ma tombe, il aura mon intercession. Donc il y a des bénédictions à visiter la tombe du prophète. Et ça ne veut pas dire qu'on adore le prophète, et ça ne veut pas dire que le prophète crée les bénédictions ou quoi que ce soit. Le prophète ne crée rien du tout. Il n'y a que Dieu qui crée, qui fait passer les choses du néant en existence. Donc le fait d'aller, de respecter le prophète, de glorifier le prophète, d'honorer le prophète, ne veut pas dire qu'on l'adore, le prophète. D'accord? Comme par exemple de faire fêter sa naissance, des choses comme ça. Comme par exemple, quelqu'un, il se peut, sa mère, il ne l'a pas vu depuis 10 ans, ça a déjà arrivé. Des gens, plus de 10 ans, pour des problèmes, etc., ils n'ont pas pu rentrer au pays, ils n'ont pas vu leur... Quand il va voir sa mère, il va pleurer, il va faire un festin, etc. Il va embrasser sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il adore sa mère. Donc, les compagnons, le prophète leur a enseigné, comme l'aveugle, il est venu se plaindre au prophète, il a enseigné de demander par le degré du prophète, de demander à Dieu par le degré du prophète, et Dieu lui a rendu sa vue. Il a dit, oh Allah, je te demande par le degré de ton prophète. Et Dieu lui a rendu sa vue. C'est un hadith rapporté par Tabarani, confirmé. Le prophète, il a raconté aux compagnons une histoire, il a dit, il y avait des musulmans avant vous, avant, ils sont rentrés dans une grotte, et il y a un rocher qui est tombé, ça a bouché la grotte. Et chacun, il a demandé à Dieu par le degré de ce qu'il a fait, combien. Et le bien que la personne fait, c'est créé par Dieu. Donc ils ont demandé par le degré d'une créature, quels sont leurs actes de bien. Chacun, il a cité une histoire, quelqu'un, donc il allait faire... le grand péché de la fornication, après il s'est repenti, il a raconté son histoire, après il a demandé à Dieu par le degré de son acte, le fait qu'il s'est repenti, etc., qu'il a donné sadaqa à la place de faire la fornication. Et il y en a un, et aussi il a Il a consommé le salaire de quelqu'un, après il lui a donné, etc. Il s'est repenti. Il y en a un, il était bienfaisant envers ses parents. Il est resté longtemps debout jusqu'à ce qu'il se réveille pour qu'il leur donne leur goûter, etc. Chacun des trois, il a demandé par son degré l'acte de bien qu'il a fait. Donc il a demandé par le degré d'une créature. L'acte est créé. Donc ils ont dit, les savants, ça c'est une preuve qu'on peut demander par le degré des créatures, qui sont des créatures de bien, bien évidemment. Donc ça, c'est des causes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair le sujet d'utiliser, qu'on appelle tawassul, c'est-à-dire chercher les bénédictions par tawassul, c'est demander par le degré, en fait, donc utiliser une créature, demander par son degré. Demander à Dieu par le degré de cette créature-là, qui est le prophète, la mère des créatures, ou les anges, ou les musulmans bons pratiquants, les saints. Des wali qu'on dit. C'est ça. Et tabarok, c'est chercher les bénédictions. C'est ça. Toucher les cheveux du prophète pour espérer la baraka. Comme on a vu l'exemple de Sayyidina Yusuf avec son habit. Toucher la Kaaba, la pierre noire, etc. Ou se tenir le prophète. Quand on part à la Mecque, on va visiter la grotte où il a reçu la révélation. Il y a des très bonnes odeurs du prophète encore jusqu'à maintenant, l'endroit où il est né, etc. Donc on touche et on sent qu'il y a l'odeur qui reste. Donc on l'a vu. Donc on est parti, la grotte où il a reçu la révélation, la grotte où il était avec Abou Bakr. Donc on a frotté, après en revenant jusqu'à maintenant, et enfin il y a certains tapis qu'on avait, il restait l'odeur en fait. Et c'est l'odeur qu'on trouve dans le cheveu du prophète, etc. Et le prophète, dans Sahih Bukhari, moi, c'est mis à partager ses cheveux. C'est pas pour rien qu'il partage ses cheveux. Donc, et c'est resté de génération en génération. Donc, comme on a dit, utiliser la cause, non. Les musulmans qui utilisent des causes, il ne faut pas les comparer. C'est faux de les comparer, comme font certains, pour induire les gens en erreur. Ils disent aux gens, attends, regardez, à l'époque, les mécréants de Quraysh, ils adoraient les statues, soi-disant à l'intermédiaire. Parce qu'il s'est dit dans le Coran, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّهِ زُلْفَى. Allah cite les mécréants. Il y en a, ils prennent la haie, ils la mettent sur les musulmans. Alors que c'est faux. Ils l'appliquent sur les musulmans. Les mécréants ici, ils disent, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّهِ زُلْفَى. Qu'est-ce qu'ils disent les mécréants de Quraysh? Ce qui est cité dans le Coran, ils disent, on adore ces statues-là pour qu'ils nous rapprochent de Dieu. Donc c'est différent. Ils disent quoi? On adore. En fait, ils s'humilient à l'extrême. Donc on a dit, s'humilient à l'extrême, c'est de la mécréance, même s'ils savent qu'ils ne créent rien du tout. S'humilient à l'extrême, ou aussi attribuer le pardon des péchés. Donc quelque chose qui est valable que pour Dieu, l'attribuer à une créature, comme s'humilient à l'extrême. Ou croire qu'un humain pardonne les péchés, ou qu'il crée, qu'il fait passer une chose d'une à l'existence, ou qu'il sait tout. Là, c'est qu'on a fait la mécréance. On lui attribue quelque chose qui est valable que pour Dieu. Ou croire qu'il a le droit de rendre une chose permise ou interdite. C'est ça en fait. Aussi que Dieu cite sur les mécréants qui sont les mécréants qui prétendent suivre Jésus, qu'eux, ils vont voir leur guide religieux et c'est lui qui décide de lui-même que dire ça c'est permis, c'est pas permis. Ça, c'est de la mécréance. Parce que le fait de rendre une chose permise ou interdite, c'est valable que pour Dieu. D'accord? Les musulmans, quand ils vont voir le savon, c'est pas, il invente un interdit de lui-même, le savon. Le savon, il fait un effort de recherche dans le Coran et le Hadith pour déduire est-ce que c'est permis ou pas permis. C'est pas pareil. Si les savons de haut niveau, qu'on dit comme chef et maître, ou savon de bas niveau, lui, il va dire ce qu'il a numérisé. Comme science. À dire, ah, il te dit ça, c'est haram, ça veut dire qu'il a appris que c'est haram. Avec les preuves du Coran et du Hadith. Le savant comme chef, et lui, il va faire un effort de recherche des textes du Coran et du Hadith pour les rapprocher, pour déduire est-ce que c'est halal ou haram. Alors que eux, les mécréants, il allait voir, l'homme lui-même, il a inventé de lui-même que c'est permis ou pas permis, selon lui. Et là, c'est de la mécréance. Vous voyez la différence? Parce que Dieu les cite mécréants. Ceux-là qui ont adoré leur guide religieux et Jésus. Ou ils vont demander le pardon à un humain. C'est-à-dire, ils demandent qu'il pardonne les péchés. Pas pareil, il ne faut pas mélanger. Le fait qu'on a été injuste envers un musulman, on lui demande pardon, c'est pas pareil. On ne dit pas pardonne-moi mes péchés. C'est pas pareil. On demande pardon pour l'injustice qu'on a fait. Donc, eux, ils vont voir l'humain, ils disent, ah, j'ai fait ça comme péché, qui peut avoir un péché qui peut peut-être rien avoir avec un humain. Parce qu'il y a des péchés qui ont rapport avec un être humain et des péchés qui ne sont pas en rapport avec un humain. Et donc, lui, il prétend lui pardonner. Ou, il va le voir, et lui, il invente de lui-même que c'est permis ou pas permis. Alors que c'est Dieu qui décrète que ça, c'est permis ou pas permis. D'accord? Donc, il y en a, ils vont faire le mélange. Donc, ne pas faire le mélange. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà, donc, c'est Dieu qui crée le profit, la nuisance, le fait d'utiliser les causes, que ce soit un bon musulman durant sa vie ou après sa mort, c'est permis. Car, durant sa vie, il ne crée rien du tout, et après sa mort, il ne crée rien du tout. Durant sa vie, il peut être utile par la volonté d'Allah, et après sa vie aussi, comme il a dit le prophète, il a dit, il a dit, ma mort et ma vie est un bien pour vous, et ma mort peut, donc après ma mort, je peux être utile pour vous aussi. D'accord? Est-ce que c'est clair le sujet? Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammadin Amin, la louange est à Dieu, le Seigneur du monde. Que l'honneur, l'élévation, degré le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات pourquoi les saoudiens ne veulent pas qu'on aille sur la tombe du prophète ça c'est l'histoire du wahhabisme. Secte wahhabite, là, c'est... Si on a compris la règle, c'est clair. Après, celui qui contredit la règle, il est égaré. Oui, moi j'étais, ils font ça. Là. Une question, c'était par rapport... Parce qu'il y a des frères, ils n'allaient pas aller voir de la tombe. Tout à l'heure, je faisais la prière à la maison. On allait prier en assemblée. J'ai éteint la télé. Il y a quelqu'un qui m'avait... J'ai dit non, c'est déconseillé de prendre une image. Et la personne m'a dit non. J'ai dit bah si. Elle a dit non, donc, mais après finalement je me suis arrêté. J'ai dit, là, est-ce qu'elle est tombée dans. Ah là, c'est pas exactement pas, pareil que ce que j'ai dit. Hein. Oui, non, je sais là, en fait, il pense que. En fait, c'est, là, ça veut dire quoi sa parole? Ça veut dire qu'il pense que dans la religion de l'islam, c'est comme ça. Pas pareil. Là, ça a d'autres détails qui sont dans les règles de la méfiance. Là, je te parle. Là, eux, lui-même, il s'autoproclame qu'il peut légiférer. Okay. Là, c'est ça, la méfiance. Okay. C'est pas quelqu'un, il se trompe, il dit, ah, c'est haram. Mais lui, quand il dit c'est haram, il croit que dans la religion, c'est comme ça. Après, là, ça a d'autres détails. Si cette question, elle est connue d'évidence dans la religion et qu'il la connaît, donc si il la renie, il devient mécréant. C'est une chose qu'on y parvient avec la raison, comme Dieu ne ressent pas ses créatures, là, il n'est pas excusé. Alors si, par exemple, il ne sait pas qu'il y avait 5 prières obligatoires, il n'a jamais entendu, on ne peut pas savoir avec la raison, il ne devient pas mécréant. Donc ça revient aux règles de la mécréance. D'accord ? Oui, voilà, c'était pour ça. D'accord, mais ce n'est pas pareil le cas que j'ai cité. Le cas que j'ai cité, c'est lui, il invente de lui-même. Mm-hmm. C'est-à-dire pour lui, il est indépendant de toutes les législations que Dieu aurait révélées, en fait. Et eux, ils faisaient comme ça, en fait, les mécréants. Que Dieu a cité dans le Coran, en fait. C'est pour ça que j'ai cité, parce que la règle que j'ai cité, ça parle de ceux-là qui allaient voir un humain, il dit, j'ai fait tel péché, après il dit, je te pardonne, comme ils le font, comme vous le savez. Ou il va voir un humain, et c'est lui de lui-même, il invente c'est permis ou c'est pas permis. Une chose qui est connue, qui est haram ou qui est halal. Non, en fait, c'est pas ça, que c'est lui-même, il invente. Il croit qu'il a le droit d'interdire aux gens, en fait. de lui-même. Il va dire, par exemple, je ne sais pas,